Chapitre 20e, le père Gervais en face de Bouche-en-Cœur. Le père Gervais montait bien la garde autour de son trésor, sa petite fille, mais de tout temps l'amour le plus ingénu, le plus chaste, déjoue la surveillance la plus sévère, la plus avisée. Aussi maintenant, alors que le père Gervais croyait fermement que Geneviève et le jeune lieutenant n'avaient plus encore échangé que des saluts de bon voisinage, déjà les deux jeunes gens s'étaient donné leur parole d'un amour éternel. « Vous serez ma femme, » avait affirmé le lieutenant. « Mon âme est vôtre, » avait répondu Geneviève. Or, ce n'était pas parole en l'air, ni aventure de garnison, ni amourette de modiste. C'était sérieux. Sérieux au point que le lieutenant en avait parlé, sinon à ses parents directs, du moins à la femme idéale, qui était sa confidente, sa meilleure amie, après avoir été comme sa seconde maman, à Madeleine. Car le lieutenant était Fernand, le neveu de Jacques Dalmet. J'aime, dit-il à Madeleine en l'entraînant dans ce sentier qui avait déjà entendu d'autres déclarations d'amour. J'aime une jeune fille pauvre, mais merveilleuse de pureté et de douceur. Elle est blonde comme vous. Elle a des yeux mauves comme les vôtres. Son sourire n'a que le vôtre d'égal. Quand elle parle, je crois vous entendre, et je me dis que ma jeune vie à moi est une seconde Madeleine, une autre fée d'amour. Cette ressemblance étrange sur laquelle insistait Fernand frappa Madeleine. « Quel âge a ta Geneviève ?»« 19 ans, » Madeleine pensa. « C'est l'âge qu'aurait Paulette. » Elle promit son appui au lieutenant si grandement épris, mais elle parla de cet amour et de la ressemblance singulière de la jeune fille au commandant Jacques Dalmet depuis quelque temps de retour en France. Jacques promit de faire une enquête, de se rendre compte par lui-même et de prier le bon avocat Thirion, plus au courant que lui de la vie de Paris, de le seconder. Maître Thirion eut la bonne idée de demander à son ami Paulin Broquet, de retour d'Amérique, de leur donner son précieux concours, ce que le célèbre détective accepta avec empressement. L'enchaînement logique des faits, surtout dans précisément ce qui semblait le mieux au gré de tous ces braves cœurs, devait fatalement se produire maintenant. Mais aucun bonheur n'arrive sans être payé d'une façon quelconque, c'est la rançon exigée par le destin mauvais. Il faut s'y soumettre. Pendant que Fernand et Geneviève élaboraient tout doucement leur projet de bonheur futur et se décidaient enfin à tout révéler au bon grand-père, dans leur ciel bleu, l'orage s'amoncelait. Geneviève, comme de coutume, s'était, ce jour-là, rendue à son atelier. Le père Gervais, ayant raccommodé un objet quelconque qu'une cliente lui avait confié, se trouvait tranquillement à la maison, travaillant, tout en fumant sa pipe, devant la croisée que caressaient les branches d'arbres pleines de pierrots. On frappa à la porte. « Entrez !» dit le père Gervais. La porte s'ouvrit, et deux personnages, un homme et une femme, pénétrèrent dans la pièce qu'ils remplirent à peu près. « C'est ici que demeure le père Gervais ?» dit l'homme. « C'est moi-même, monsieur, » fit le vieillard intrigué. « À qui ai-je l'honneur ?» L'homme derrière lui ferma la porte et revint au père Gervais. « Vous avez une petite fille, monsieur Gervais » demanda-t-il. « J'ai une petite fille, en effet, » répondit avec inquiétude le vieillard. « Qui est modiste, je crois, qui fait des chapeaux ?» dit la femme. « Précisément, madame. Mais si c'est pour une commande, je le regrette, ma fille est absente. »« Ah ! » fit l'homme, « elle est absente. Ça ne fait rien. »« C'est que moi, » dit le père Gervais, « je ne sais pas prendre des mesures de mode, ni faire un essayage. Pour les mesures que nous devons prendre, la présence de votre petite fille n'est pas indispensable, pour le moment du moins. »« Ah ! De quelles mesures parlez-vous » L'homme se campa dans sa redingote et, élevant le ton, demanda. « Depuis combien de temps, monsieur Gervais ?» « Avez-vous bonheur d'être le grand-père de votre petite-fille ?» Le père Gervais fit un bond. Il s'approcha du visiteur. Il le scruta, pour ainsi dire, de son regard perçant, de son œil de braconnier qui voyait même la nuit. Alors il poussa un cri. « Perpignan, Bouche-en-Cœur !» Le banquiste fit un salut solennel. « Perpignan lui-même. »« Perpignan, ah, je te reconnais à présent. Je te reconnais bien, Bouche-en-Cœur. Je suis assez illustre pour cela. » Perpignan. L'homme de la ferme abandonnée, de la tilleuse. Ce jour-là, quand je t'ai pris l'enfant, je ne t'ai pas reconnu. Sur ta face de brute, je n'ai pas su mettre un nom. Mais aujourd'hui, je te reconnais bien, je me souviens. Je vois enfin qu'est ce misérable qui martyrisait un petit gars souffreteux. Je sais qui est Bouche-en-Cœur, Perpignan, le bourreau de chiffon. Alors, se redressant devant le banquiste, il lui dit, « Pourquoi es-tu venu chez moi? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis venu pour te reprendre mon enfant que tu m'as volé. « Je veux chiffon. Il n'y a pas de chiffon ici, mais il y a Geneviève. Et tu veux Geneviève ?»« Oui. » Le père Gervais partit d'un rire nerveux et haussa les épaules. « Tu es fou, tu es fou. Geneviève, à toi, Bouche-en-Cœur. Geneviève, cette fleur, ce rayon de soleil, cet ange, à toi, Perpignan, illustre bandit, tu es fou, te dis-je, tu es fou. » Et brusquement il ajouta, « D'ailleurs inutile de parler de cela, assez de plaisanterie, voilà la porte, va-t'en. » Mais Perpignan posa sa lourde main sur l'épaule du vieillard. « Un mot encore, tu ignores, mon bonhomme, que j'ai le droit pour moi et la loi. Tant mieux, c'est tout ce que tu auras, allons, dehors. Tu n'as aucun papier concernant cet enfant, rien qui t'autorise à la garder auprès de toi. Moi, j'ai les preuves de son identité, tous les documents la concernant. J'ai le droit de la réclamer comme mienne, et toi, je t'attaquerai pour détournement de mineur. » Le père Gerbet frémit. « Misérable ! Sors d'ici, et tout de suite ! Je ne m'en irai qu'avec Chiffon, qu'avec Geneviève. Sors d'ici, battant, ou c'est moi qu'appellerai la loi à mon secours, la loi !» À son tour, le père Gerbet lui avait posé la main sur l'épaule. Il reprit. « Pour oser élever la voix chez moi, pour oser réclamer Chiffon ici, il faut, illustre Perpignan, que tu aies perdu la mémoire. Tu oublies que grâce au président Duranton, j'ai moi, alors un moment accusé d'assassinat, bénéficié d'un acquittement, parce que je ne suis pas l'assassin du comte de Saint-Rion. Le comte de Saint-Rion est vivant !» cria Bouchancœur. « Il est vivant !» C'est Alexandre, son valet de chambre, qui est vivant, pas le comte véritable que vous avez brûlé à la tilleuse. L'illustre Perpignan sentait le sol vaciller sous ses larges pieds. Il tremblait, il commençait à avoir peur, à regretter fortement d'être venu. Le père Gerbet, maintenant, le tenait sous sa main et le secouait, accentuant chacune de ses phrases d'un coup sur l'épaule. « Tu oublies, illustre Perpignan, que j'ai, moi, recueilli les dernières paroles du comte blessé à mort. Tu oublies aussi que c'est moi qui ai mis en fuite les assassins du comte, que c'est moi qui ai tiré sur eux un coup de fusil. Tu oublies que j'ai des yeux qui voient clair. Tu oublies que j'ai vu à l'allure de mon coup de feu ta figure et celle de ton complice. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, tu n'as pas pu les voir. » Le père Gerbet sourit. « Je t'ai cependant bien reconnu quand tu as été amené devant moi à l'hôpital. Tu mens, tu n'as pas pu me reconnaître. Tu m'en donnes la preuve en ce moment. Si tu m'avais reconnu, tu l'aurais déclaré. Non, je ne l'ai pas voulu. À ce moment, je croyais que ma blessure m'empêcherait de reprendre la seule vie qui m'était possible, de regagner mes mois, ma solitude, et je préférais mourir. Alors je n'ai rien dit. Aujourd'hui, ce n'est plus moi seul, moi vieux et fini, que je dois défendre. C'est celle qui est devenue mon enfant, c'est Geneviève. Aujourd'hui, je parlerai. Tu me comprends? Je parlerai. » Les deux hommes échangèrent un regard haineux. Mais la belle Bourbonnaise devinait sans doute les sentiments qui bouillonnaient chez son époux et envisageant les conséquences terribles de ce nouveau crime, intervint. Elle dit à Bouchancœur, « Allons, mon ami, nous n'avons pas à discuter plus longtemps avec ce vieillard. Allons-nous-en, nous ferons agir la loi. » Elle l'entraîna. « C'est ça !» fit le père Gerbet. « Faites agir la loi. Allez-vous-en, canaille !»